ます。 J.R. Ricolé, Quai d'Orsay. Coramel. Bon, on a appelé Sabrina ce bonsoir. On a appelé à Condé la Monibino. Comme on a mis, on a laissé J.B. Pena souverain premier. Mais non, bon, mon âge. Banyama d'abale qui est, banyama valena c'est, babo sanaki, baeba qui n'a rien, c'est l'homme qui a peur. Nane nam, nane m'a salé ma bazar, tu n'es pas pota zambana, bakima ma pota pour la mouba 3 mois, talara kara, baron va mener salé, banyama va mener salé, bani, tatana système va mener salé, bangote et d'anga, mais la minute n'a pas, tu n'es pas de Tarzan. Attends, il y a tous les gens qui sont pour nous éduquer. Souverain, par le climat. Tous les staffs sont souverains, ils sont battus. Ils sont battus, ils sont battus, ils sont battus. Ils sont battus, ils sont battus. Ils sont battus, ils sont battus. Ils sont battus, ils 15 jours. Il y a 5 mois, ils sont battus. Ils sont battus. Ils sont battus. Ils sont battus. Ils sont battus. Ils sont battus. Ils sont battus. Ils sont battus. Ils sont Nasukiana, Colette Nzongo, Bino Kak. TH, na quelques jours, ils ont marché. Bon, beaucoup yoka. Beaucoup yoka, TH. Propre. Propre.